Joséphine Benninger à Hélène Bayer, à Paris. Chère et bonne Hélène, une grande nouvelle. Tu la devines, n'est-ce pas? C'est fini avec Émile. Il n'y a pas à dire, c'est tout de même un peu triste. Car une rupture est toujours une rupture. Et se dire adieu, adieu pour toujours, comme je viens de te l'annoncer, rend malgré tout un peu mélancolique. Mais lorsque je n'y pense pas, je me trouve en réalité beaucoup mieux que dans les derniers temps. Elles étaient en vérité bien désagréables, ces journées qui ont précédé la rupture. Il y avait longtemps que je la pressentais, comme je te l'écrivais dernièrement, ma chère Hélène. Tous les soirs, il devait venir chez moi. Je recevais contre ordre au moins deux fois par semaine, et puis souvent, il me laissait aller au Prater toute seule, m'envoyait même au théâtre, sans y aller lui-même. On connaît ça. Ce n'est plus ça le véritable amour. Je ne lui en veux pas, car moi-même, dans les derniers temps, je n'étais plus très folle de lui. Mais il faut que je raconte tout, comme c'est arrivé. Mardi dernier, il y a juste 8 jours, arrive à 7h30 un billet. Il ne peut pas venir. Le lendemain à midi, il prendra la liberté de se présenter chez moi pour me demander comment j'ai passé la nuit. Tu sais qu'il a toujours observé ses formules de politesse, ce qui me plaisait beaucoup d'ailleurs. Jamais un mot incorrect, jamais. On aurait dit qu'il osait tout au plus me baiser la main. Il faisait très beau ce soir-là. Je prévoyais que j'allais m'ennuyer épouvantablement et je me dis « Tiens, prenons une voiture et allons nous promener. » Comme il faisait à moitié nuit, je ne pris qu'un manteau et descendis. Je fis le tour du ring. J'étais bien comme tout. L'air était doux et agréable et je pensais en moi-même « C'est très heureux que toute cette histoire soit enfin finie. » À ce moment-là, tous les hommes étaient complètement indifférents, mais complètement tous. Pour lui, il y avait longtemps que c'était déjà fait. Je dis au cocher d'aller doucement. Je descends au Stadtpark. La voiture me suit. Je remonte devant le musée et je fais tout le tour du quai et du ring. Au moment où je rentrais à la maison, il était juste 9h. Je rentrais toute gaie. Lina me dit « Mademoiselle, monsieur est là depuis 1 heure. Quoi ?» dis-je. Et j'entre au salon. Il n'y avait pas de lumière. Je passe dans la chambre rouge. Il était là, assis sur le divan. Il avait gardé son par-dessus, et avec sa canne, il tapait des petits coups sur le parquet. Il leva la tête à mon entrée et demande « D'où venez-vous, mademoiselle ?» Moi, très calme, je dis la vérité, car il n'y avait pas lieu de mentir. « Quand tu m'as écrit que tu ne viendrais pas, j'ai pris une voiture et je suis allé faire le tour du ring. Il faisait si beau. « Ah » fait-il. Il se lève, et toujours sans ôter son par-dessus, il se promène dans la chambre sans me regarder. « Qu'as-tu donc ? » demandai-je. Pas de réponse. Je le laisse et vais au salon d'où je l'entends encore aller et venir. Je donne mon manteau à Lina et l'envoie me chercher des cigarettes. Les miennes étaient épuisées. Puis je vais retrouver Émile car c'était trop bête à la fin. « Mon cher Émile, commençai-je, je ne peux pas supporter cela. S'il ne te convient pas que j'aille me promener seul, dis-le. Car pour moi, je n'y tiens pas du tout. D'ailleurs, lorsque tu m'écris que tu ne peux pas venir, je ne suis pourtant pas forcé de m'enfermer dans ma chambre et de me désespérer. J'aurai une jolie tête, car maintenant, cela se répète environ 3 fois par semaine, etc. » Le voilà brusquement qui se met à parler, debout, au milieu de la chambre, les mains croisées derrière le dos. Sa canne s'agitait en l'air par-dessus sa tête. « Tu as raison, dit-il, cela ne peut durer ainsi. Je ne peux pas évidemment en prendre sur moi d'exiger de toi que tu restes seul à la maison 3 jours par semaine. J'en conviens. Ah, pensais-je. Et je lui demande, que veux-tu donc et pourquoi me fais-tu cette tête? Et pourquoi viens-tu après m'avoir écrit que tu ne viendrais pas? Et pourquoi m'écris-tu que tu ne viens pas si tu dois cependant venir? Là-dessus, il me répond, il fut un temps, Pépi, où tu étais bien heureuse lorsque je venais sans être attendu. Ce temps-là est loin, paraît-il. À mon tour de faire ma tête, il continue. C'est la vie, cela. Il y a longtemps que je me suis aperçu de tout. Et si je n'avais pas su que cela ne te faisait pas beaucoup de peine, je t'aurais sans doute envoyé moins souvent contre ordre. Mais je présume que mon absence n'était pas trop douloureuse. C'était à peu près ça. Je me rappelle avoir répondu. Je ne courrai jamais après toi. Je ne te le demande pas non plus, fait-il au contraire. Enfin, il y venait. Comment, au contraire, lui dis-je, tu veux dire qu'il t'est très agréable que je ne cours pas après toi ? À ce moment, il fait un mouvement d'impatience et se met devant la fenêtre en me tournant le dos, puis il murmure « Ne dénature donc pas le sens de mes paroles. » Je vais me mettre tranquillement près de lui et je lui dis « Mon Dieu, dis-le de suite ce que tu as à me dire. Il y a sûrement une raison pour que tu m'écrives d'abord que tu ne viendras pas, puis que tu y viennes tout de même, et qu'à présent tu sois si contrarié. » Me voyant ainsi à côté de lui, il me prend tout à coup la tête entre ses mains et m'embrasse sur le front. Tout cela se passait près de la fenêtre, mais les stores étaient baissés. Il m'embrasse une fois, puis une seconde, puis encore et finalement très très longtemps. Je ne bouge pas, je le laisse faire tranquillement, et je lui dis seulement tout bas, pendant qu'il continue à m'embrasser, « Tu viens aujourd'hui pour me dire adieu ?» Il se dégage brusquement. « Quelle idée » fait-il avec un sourire contraint. Je lui prends les deux mains. « Sois donc content que je te rende la chose si facile. Tu n'aurais jamais pu trouver une occasion meilleure. » Il éclate. « C'est cela. Parce que toi-même tu es contente et parce que tu voudrais bien être débarrassée de moi, n'est-ce pas ?» Et le voilà qui se met à me faire des reproches. Qu'il y avait longtemps qu'il s'était aperçu que je ne l'aimais plus, que ma tendresse n'était que comédie, et que sais-je encore. Nous n'aurions jamais dû en arriver là, ajouta-t-il. Non, jamais. Mais un homme s'apercevait bien de ça, et puis il n'y a rien d'étonnant quand on est poussé d'un autre côté, qu'on aspire à un véritable amour, et ainsi de suite. Moi, j'étais très calme. Tu as absolument raison, lui dis-je, mais je ne crois pas que ce soit ma faute, pas plus que la tienne d'ailleurs. Cela devait en arriver là. Toute la faute est aux événements. Tout ce que je puis te dire, c'est que je t'ai bien aimé. Et je te souhaite de trouver une femme qui t'aime autant que je t'ai aimé, et qui te rende heureux, etc. Enfin, tout ce qu'on peut dire en pareil cas. Mais j'ai senti à ce moment que je l'avais véritablement aimé, et qu'une séparation est toujours quelque chose de troublant, même lorsqu'on s'en est réjoui par avance depuis longtemps. Là-dessus, nous nous asseyons sur le canapé. Il retire enfin son pardessus et nous nous mettons gentiment à causer. Je lui raconte comment je lui étais fidèle pendant ces deux années et comme c'était bien de ma part. Lui me répond qu'il me sera reconnaissant jusqu'à sa mort de la bonté et de la tendresse dont je l'ai entouré et qu'en réalité ce n'était pas vrai qu'on cessait d'aimer, que les circonstances étaient plus fortes que nous et qu'en tous les cas il restera mon ami et que comme tel il venait me dire franchement qu'il fallait nous quitter. Il m'attire à lui, me caresse les cheveux et recommence à m'embrasser, mais pas seulement sur le front. Je dois t'avouer que j'ai même un peu pleuré, ma bonne Hélène. Tu comprends cela, n'est-ce pas ? Finalement, il était minuit lorsque nous eûmes terminé nos adieux. Ce fut vraiment touchant quand, à genoux, devant le divan, il m'embrassa les mains. C'est la dernière chose dont je me souviens. Car pendant qu'il m'embrassait ainsi les mains, je me suis endormi et lorsqu'au milieu de la nuit, je me réveillais, la lampe était éteinte et il était parti. Parti. Bon, depuis que je ne l'ai pas revu, et je n'ai même pas entendu parler de lui, et l'histoire est finie. Qu'en dis-tu ? Si tu me demandes ce que je fais et quelles sont mes intentions, je te dirai que je n'en sais rien moi-même. Pour le moment, je suis tout à fait contente. Je me repose, je dors fameusement bien, je fume mes 20 cigarettes par jour et je me dis si cela pouvait durer toujours ainsi. Tout n'est qu'à faire d'habitude. Il est vrai qu'il n'y a encore que 8 jours. Mais si ça ne dépendait que de moi, je vivrais bien tout l'été ainsi. Je lis à présent des romans toute la journée, un autre que je te recommande particulièrement. J'ai lu quelque chose que je pensais depuis fort longtemps, à savoir qu'en réalité, c'est nous autres qui sommes les femmes comme il faut. Non, nous ne valons pas moins que les autres. Le roman le dit. Nous avons plus de qualité, au contraire parce que nous sommes naturels. L'auteur le prouve dans son livre. Il faut que tu le lises. Tiens, je vais le faire emballer par Lina et te l'envoyer. Je suis curieuse de savoir si tu m'écriras une lettre aussi longue que la mienne. Comment passez-vous votre temps ? Allez-vous souvent au théâtre ? Es-tu sérieuse ? Et ne fais-tu pas trop la coquette avec messieurs les Parisiens ? Qui nous aurait prophétisé tout cela, ma bonne Hélène ? Dieu, quand je pense à Wieden, autrefois, alors que j'allais sérieusement à mon théâtre, parce que je pensais que 50 florins par mois étaient bons à prendre. Antoine venait me chercher tous les soirs, et nous allions au cabaret manger un rôti aux pommes. Ma mère, dont tu me demandes des nouvelles, va très bien. Elle est venue me voir ces jours derniers et m'a prié de te faire ses amitiés. Mais en voilà assez. Tu serais bien gentil de me répondre par une lettre aussi longue que celle-ci. Bonjour à ton ami. Avez-vous déjà fait vos projets pour cet été? Je t'en prie, ne fais pas d'imprudence. J'ai comme un pressentiment. Tu es dans une bonne voie, tu pourrais très bien devenir une madame. Ainsi, laisse les beaux parisiens pour plus tard. Ou plutôt, n'y fais pas attention du tout. Quand il t'aura épousé, il ne sera pas nécessaire pour cela de t'en croire. Tu liras dans le roman, que tu voudras alors, beaucoup moins que maintenant. Je t'embrasse, ta Joséphine.